بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue le cours inshallah ta'ala dans l'explication de Umdat al-Ahkam, toujours Kitab al-Salat, le chapitre de la prière, Bab al-Janaiz, le sous-chapitre concernant al-Janaiz. Et donc le hadith d'aujourd'hui, an Abdillah ibn Abbas radiyallahu anhuma qal: Bainama rajulun waqifun bi Arafah idh waqa'a an rahilatihi fa waqasathu aw awqasathu fa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: Ighsiluhu bima'in wa sidr wa kaffinuhu fi thawbayhi wa la tuhannituhu wa la tukhammiru ra'sahu فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وفي رواية لا تخمر وجهه ولا رأسه. Selon Ibn Abbas radiallahu anhuma, qui dit: alors qu'un homme était debout à Arafah, il est tombé de, il était donc, alors qu'un homme, excusez-moi, il n'était pas debout, il était sur sa monture à Arafah, donc il est tombé de celle-ci, il est tombé de sa monture. Fawakasathu. Wakasathu, ce qui est voulu ici, c'est cette monture où certains savants disent la chute, lorsqu'il est tombé, la chute a brisé sa nuque. Ça, c'est l'explication qu'a cité Ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala. Et donc, lorsqu'il est tombé, il est mort. Et il y a dans certaines narrations un terme qui est utilisé, ce qui est voulu par là, c'est il est mort sur le coup. Lorsqu'il est tombé, il est mort sur le coup. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: lavez-le avec de l'eau et du cidre et mettez-le et utilisez comme kefen, donc son linceul, utilisez ses deux vêtements, donc les deux vêtements qu'il avait parce que c'était un muhrim. Il était en état de ihram, donc pour le pèlerinage. Utilisez ses deux vêtements pour donc le linceul et ne le parfumez pas. Et donc ici, ce qui est voulu ici donc par at-tahnit, c'est le fait de parfumer ce mort, le fait de lui mettre un parfum dans son linceul. Et donc ne lui mettez pas de parfum et ne recouvrez pas sa tête, car celui-ci sera ressuscité au jour de la résurrection, mulabbiyan. Et donc mulabbiyan, labbayk Allahumma labbayk, en état de muhrim. Il sera ressuscité au jour de la résurrection comme un muhrim, donc qui accomplit son pèlerinage. Dans certaines narrations, il est cité wala tukhammiru wajhahu wala ra'sa, et ne recouvrez ni sa tête ni son visage. Dans certaines narrations, ne recouvrez ni sa tête ni son visage. Fi hadha al-hadith anna ahad as-sahaba radiyallahu anhu mata fi ihramihi. Il y a dans ce hadith le fait qu'un des compagnons radiyallahu anhu est mort alors qu'il était en état d'ihram. فيؤخذ منه أن المحرم إذا مات بقي على إحرامه فلا يطيب ولا ويكفن في ثوبيه ولا يغطى رأسه. Et donc on peut tirer de ce hadith le fait que le muhrim, celui qui est en état d'ihram, en état de sacralisation, celui-ci, lorsqu'il meurt en état de sacralisation, il garde son état de sacralisation même après la mort. Même après la mort, il garde cet état de sacralisation. Et donc, on ne va pas le parfumer et on va utiliser ses deux vêtements qu'il avait déjà pour son linceul. Et on ne va pas recouvrir sa tête, car il est en état de sacralisation. وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَ وَالشَّفِعِيَ. Et donc, c'est l'avis de l'école hanbalite et l'avis de l'école shafi'ite. Il se base sur le hadith qu'on a vu aujourd'hui. أَمَّا الْأَحْنَافِ والمالكية فذهبوا إلى أن الميت لا يبقى على إحرامه. En ce qui concerne les savants de l'école hanafite et les savants de l'école malikite, eux ils voient que le mort ne garde pas son état de sacralisation. Il ne garde pas son état de sacralisation. Ustudillelahum, et je dis bien ustudillelahum, ce qui est voulu par là, parce que souvent les gens ils pensent que toutes les preuves, quand on voit ce genre d'argumentation, ce sont les preuves de Malik, ce sont les preuves de l'imam Abu Hanifa. Non, Oustoudil lalahum, c'est-à-dire ce sont d'autres savants qui sont venus après, qui ont vu donc l'avis de l'imam Malik, de l'imam Abu Hanifa, ils se sont dit sûrement, ils se sont basés sur telle et telle preuve. D'accord ? Et donc, certains savants qui ont voulu donc appuyer et défendre le madhhab de l'imam Malik et le madhhab de l'imam Abu Hanifa dans ce sujet, ils se sont appuyés sur un hadith qui est connu, qui est très connu, « Ida met ibn Adam, il n'kata anhu amaluhu illa min thalath. » Lorsque l'enfant d'Adam il meurt, ses œuvres s'arrêtent sauf trois. « Fekalu idan, al-ihram, lam yuskar fi hadhi thalath. » L'état de sacralisation n'a pas été cité dans ces trois. Et donc, l'être humain, lorsqu'il meurt, il perd son état de sacralisation. Parce qu'il est mort. Il perd son état de sacralisation. فَيُعَامَلُوا هَذَا الْمَيِّتْ مُعَامَلَ تَغَيْرِهِ مِنَ الْأَمْوَاتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et donc, ce mort, on va se comporter avec lui de la même façon qu'on se comporte avec les autres morts parmi les musulmans. On va donc prendre un linceul pour... On va prendre, donc prendre plusieurs vêtements, donc 3, on a vu 5. C'est possible 7 ou pas? Il y a 12. 7 pour le kefen, pour donc le linceul, etc. On va lui mettre du parfum, on va lui couvrir la tête, etc. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus dans son état de sacralisation. Ça, c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa et l'imam Malik. وَهَذَا لَا يُسَلَّمُ لَهُمْ. Et donc, cela, donc, on ne va pas être d'accord avec eux quant à cette argumentation. لِأَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي نَدْرُسُهُ الْيَوْمِ قَالَ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans le hadith qu'on voit aujourd'hui, il nous dit cet homme-là sera ressuscité au jour de la résurrection, mulabbiyan, en état d'ihram. Et donc il garde son ihram. On a un texte ici qui nous montre que cet homme garde son ihram. Et aussi, on a le fait que al-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, huwa alladhi nahana an tatyib hadha al-mayyit. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a interdit de parfumer ce mort. C'est lui qui nous a interdit de recouvrir sa tête. Et donc, on se base sur les textes, on se base sur les preuves textuelles ici pour bien comprendre ce sujet. وَقَالَ بَعْضُ عُلَمَاءِ الْأَحْنَافِ إِنَّمَا حَصَلَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الَّذِي نَدْرُسُهُ الْيَوْمَ هَذَا في قصة أو حادثة عين. Il dit ce qui est voulu ici par le hadith d'Ibn Abbas, le hadith qu'on étudie aujourd'hui. Il dit c'est une histoire qui s'est passée une fois avec une personne. ولم يحصل ما غيره من الصحابة. Ils disent et cela ne s'est pas produit avec d'autres compagnons. Et donc on ne peut pas utiliser ça comme preuve pour l'appliquer sur toute personne qui meurt en état de sacralisation. والجواب أَنَّ مَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً يَجِبُ الْأَخْذُ بِهِ. La réponse à cela, c'est que ce qui est avéré du prophète صلى الله عليه وسلم, même ne serait-ce qu'une fois, il nous est obligatoire d'œuvrer avec. Obligatoire, ne serait-ce qu'une fois. Quelle est la preuve? La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih al-Bukhari est muslim. Lorsqu'il nous dit ma nahaytukum anhu fajtanibu, ou alors dans une narration idha nahaytukum an shay'in fajtanibu, si je vous interdis quelque chose. Quelque chose. Éloignez-vous-en. Pas besoin de le citer plusieurs fois. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Et si je viens à vous avec un ordre, alors accomplissez-le en fonction de vos capacités. Et donc il n'y a pas besoin que l'ordre se répète. Il n'y a pas besoin que l'interdiction soit répétée. Cela est avéré du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, on doit œuvrer avec. On doit œuvrer avec. وأيضا من أدلة المالكية والأحناف ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كفن ابنه واقد ابن عبد الله ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه ووجهه وقال لولا أن حرم لطيبناه. Parmi les preuves de l'école malikite et de l'école hanafite, il y a un hadith qu'a cité l'imam Malik rahimahullah dans son Muwatta. Donc Malik qui rapporte ce hadith de Nafi' qui le rapporte d'Ibn Omar radiallahu anhuma. Ibn Omar qui nous dit, donc Ibn Omar qui a donc mis son fils Waqid ibn Abdillah dans son linceul. Il l'a mis dans un linceul. Alors qu'il est mort à Djurfa en état de sacralisation. Donc ça c'est le fils de Omar, d'Ibn Omar qui est mort en état de sacralisation. Et Ibn Omar, il l'a mis dans un linceul. Ce qui est voulu ici, ce n'est pas les deux vêtements donc du de celui qui était en état de sacralisation. Mais il l'a mis dans un linceul normal. Et il a recouvert sa tête ainsi que son visage. Et il a dit, si seulement on n'était pas en état d'ihram, parce que lui-même, Ibn Omar, il était en état d'ihram, il dit, si seulement nous n'étions pas en état d'ihram, nous l'aurions parfumé. Et donc, ici, Ibn Omar, radiallahu anhuma, il voit clairement que, ici, son fils, il n'est plus en état d'ihram, et qu'on peut donc le parfumer, recouvrir sa tête, etc. etc. Taïb, qu'est-ce qu'on dit de ça? Et d'accord, le sahabi, la parole d'un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Alors, comment tu fais? Non, l'ordre chronologique, ça c'est quand tu ne peux plus faire le jam. Donc d'abord, tu essaies de faire le jam. Si tu essaies de faire le jam, tu ramènes une solution pour rassembler les deux. L'interdiction du prophète et ici ce qu'Ibn Omar a fait. Si tu arrives à faire le jam, ben tu fais le jam. Si tu ne peux pas, à ce moment-là, tu commences à chercher lequel est venu avant, lequel est venu après pour savoir s'il y a un qui a abrogé l'autre. Mais ici, on ne parle pas d'abroger abrogeant. Ici, c'est l'acte d'Ibn Omar. L'acte d'Ibn Omar ne va pas abroger la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ici, il nous reste à dire quoi? Il est important, c'est une règle qu'on avait déjà vue dans la mosquée. Qawlu sahabiyyi hujjatun. La parole du compagnon est une preuve. Bi sharti an la yukhalifa an-nass wa la yukhalifahu sahabiyyun akhar. فَإِذَنْ يُنْظَرُ إِلَىٰ أَيِّهِمَا أَقْرَبُ إِلَىٰ الدَّلِيلِ. Et donc, la parole d'un compagnon est une preuve. À condition que cette parole ne s'oppose pas à un texte ou qu'elle ne s'oppose pas à la parole d'un autre compagnon. Et si elle s'oppose à la parole d'un autre compagnon, alors à ce moment-là, on regarde lequel des deux compagnons est plus proche des preuves. D'accord? Et donc ici, la parole d'Ibn Omar, l'acte d'Ibn Omar ici, est contraire au texte, à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَلِذَلِكَ قَالَتِ الْعُلَمَا لَمْ يَبْلُغُهُ النَّصِ. C'est pour ça que les savants disent qu'Ibn Omar n'était pas au courant de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi il a fait ça à son fils. Et donc, on comprend ici que les ulema peuvent se tromper. Mahma balagha min al-ilm. Peu importe la science qu'il a, la grande science qu'il a, il peut se tromper. Car personne n'est infaillible. Il est important de comprendre ça. Barakallahu fikoum. Il y a un autre point qui est cité dans le hadith, la narration wala tukhammiru wajhahu wala ra'sahu. Et ne recouvrez pas son visage ni sa tête. Ne recouvrez pas son visage ni sa tête. Et donc on comprend de ça, de ce passage, que celui qui est mort en état de sacralisation, son linceul, on ne va pas couvrir son visage. D'accord ? On ne va pas couvrir son visage. Voilà pourquoi certains savants voient que celui qui est mort en état d'ihram, on ne couvre pas son visage. Cette narration, il faut savoir, هذه الرواية تفرد بها الإمام مسلم. هذه الرواية, cette narration a été rapportée seulement par l'imam Muslim, pas le Bukhari. Le hadith, il est dans Sahihain, le Bukhari est Muslim. Mais cette narration, il n'y a que l'imam Muslim qui l'a rapportée. Et il y a des grands savants qui ont critiqué cette narration, comme Ad-Darqutni, Al-Hakim et d'autres qui ont critiqué cette narration et qui ont jugé que ce texte est faible. Et ceci est Cheikh Abdullah al-Bukhari, hafizahullah ta'ala, est aussi d'accord avec le fait que cette narration est faible, à cause du fait que il y a un rapporteur qui a pris cette information, alors que tous les autres qui sont à son fitabakatihi, donc tous les autres rapporteurs qui ont le même enseignant que lui, n'ont pas rapporté cette information de ce même enseignant. La narration, elle est faible. Et donc, le muhrim, celui qui est mort en état de sacralisation, on peut couvrir son visage. Ce qui est interdit de couvrir, c'est la tête. Ce qui est interdit de couvrir, c'est la tête, de la même façon que c'est interdit, donc, pour celui qui est en état d'ihram. Inch'Allah ta'ala, wafakallahu al-jami'a lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa jazakumullahu khairan.